Mais c'est complètement débile. Alors, non, c'est combien de fois le nombre de va-et-vient on sait. Oui, combien de fois, pardon, exactement. Mais quoi, combien de fois? Bah, combien de fois sur une semaine Non, mais genre, vous avez compté le nombre de fois où vous avez couché avec quelqu'un dans toute votre vie? On peut faire des moyennes à la semaine. On peut faire des moyennes. Sur une semaine, tu couches avec combien de mecs? Tu couches combien de fois, pardon? Oh, voilà, écoute, en ce moment, c'est 17. Hein. Bon, alors, mais quand t'es avec un mec. Tous les soirs, je suis là. Hein. Je sais pas, je me rappelle plus, ça fait si longtemps. Mais oui, c'est ça. Je fais des partouzes. Ça fausse le calcul. J'attends donc qu'Almina, elle dorme. Pour faire quoi? Bon, donc du coup, Tof, tu vas annoncer, tu vas calculer? Bah oui, on va calculer. Bon, alors on y va, c'est parti. On appelle évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti, let's go. Si vous pouvez aussi calculer votre connerie, ça serait pas mal. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, combien de fois vous faites l'amour par semaine? Qui êtes-vous? Tof. Pardon? Tof, mon nom c'est Tof. Ah, c'est très mignon. Bah c'est gentil, merci madame, ça me fait plaisir. Et donc en fait, c'est à quel sujet? Bah en fait c'est pour savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. Alors il faudrait demander à la personne qui s'en charge. Ah bah si vous voulez, moi y a pas de problème. Ah non mais ça va, j'ai déjà quelqu'un. Mais mais justement, alors il vous fait l'amour combien de fois par semaine? Ah très bien, je ne sais pas, essayez de joindre la personne qui s'en occupe. Ah bah oui, mais moi je la connais pas madame, comment vous voulez que je fasse? Bah c'est compliqué alors dans ces cas-là. Ah bah oui. Est-ce que je vais gagner quelque chose? Ah non, pas du tout. Mince, quel dommage. Non, moi c'était juste pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ah, dites-moi. Ah bah ça dépend, il faut que vous me disiez d'abord combien de fois vous faites l'amour par semaine. C'est compliqué, hein, même par téléphone. Hein. Bah non, en fait, vous savez très bien combien de fois vous l'avez fait cette semaine, vous me dites, et puis on fait une moyenne. Ah, est-ce que cette semaine serait une moyenne, réellement? Bah j'en sais rien, à vous de me dire. On est qu'au milieu de la semaine, en fait. Bah en plus, donc prenons la semaine dernière, vous avez fait combien de fois l'amour la semaine dernière? J'étais en déplacement la semaine dernière, ça va pas compter, mince. Bon bah la semaine d'avant alors. J'ai une semaine triste. Est-ce que je lance quelque chose au hasard? Je vais gagner quoi? Dites-moi. Rien, il n'y a rien à gagner, hein, madame. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, ça dépend. Elle dépend du nombre de fois que vous faites l'amour par semaine. Ah, d'accord. Ok, très bien. Une semaine, c'est 7 jours? Oui, c'est ça, 7 jours, oui. Voilà, on va partir sur 5, alors. J'adore ce chiffre. D'accord. Alors, donc, vous faites l'amour 5 fois par semaine. Et le sexe de votre mari mesure combien de centimètres? 5 aussi. 5 cm, ah oui, c'est pas énorme. Ouais, je fais à peu près tout à 5. Ah oui, d'accord. Ok, alors x 5 cm divisé. x 5 partenaires, hein, du coup. Hein. Parmi là, on s'en fout du nombre de mecs, hein, madame. Moi, c'était juste pour vous dire que donc, du coup, vous avez pris 24 mètres de bite l'année dernière. Voilà, c'est tout. L'année dernière, oui. C'est énorme. Voilà, enfin par an quoi en fait, en gros ça vous fait à peu près ouais, ça quoi. Ah ouais. Voilà. Bon bah génial, je vais quand même changer de... Vous êtes contente? De type, hein. Bon. Bah si vous prenez quelqu'un de plus long, vous ferez plus de kilomètres forcément. Ouais, mais moi je suis une baroudeuse, je suis une aventurière. Ah bah voilà. Voilà, c'est génial. Et bah voilà, j'espère que vous êtes quand même très heureuse d'avoir appris tout ça madame. Bah bien sûr, évidemment. Et donc Tof de où, de qui? De Paris. De Paris, d'accord. Voilà. Et qui représente quelque chose ou... Ah non, pas du tout madame, moi je suis au chômage. Ah voilà, quelqu'un qui s'ennuie donc. Bah pas spécialement, mais j'aime bien partager des bonnes nouvelles avec les gens, et donc voilà, donc c'est pour ça. C'est génial, ça m'a fait plaisir. Eh bah écoutez, pas autant qu'à moi madame. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des poutous. Merci, bye. Au revoir. Au revoir. Bon, elle avait l'air sympathique cette petite dame. Tu vois, Amina, oui. Tout le monde n'est pas aussi fermé que toi là. Elle était intéressée, elle répondait aux questions. Non, elle espérait gagner un cadeau ou un truc dans le genre. Ça mais oui. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Tell me something, boy.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Merci d'être avec nous là, dès le réveil sur Énergie. C'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Petit café, petite douche. Et puis bah là, oui, c'est reparti. Une nouvelle journée qu'on passe ensemble avec Aya Nakamura dans la playlist Énergie. Jane, juste derrière. Et puis le meilleur de Koé, avant de le retrouver cet après-midi à 17h. Et peut-être avant de vous faire gagner jusqu'à 10 000 euros dans le Cash Cash Énergie. Inscrivez-vous, on vous envoie Koé 7-10-12. Voici le meilleur de l'émission. C'était hier soir, ça, sur Énergie. Écoutez. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Voici les champions du monde de l'actu. Premier champion du monde, il est en Autriche. Alors c'est un homme qui arrête sa voiture pour faire pipi. Ça arrive, il termine, il se retourne, plus de voiture. Donc il va au commissariat pour déclarer le vol de sa voiture. Mais en venant sur place, les policiers se sont rendus compte que la voiture n'a pas été volée. Mais il avait oublié de serrer le frein à main et que la voiture allait tomber dans un ravin. C'est vrai que ça doit faire bizarre quand même. Tu fais ton pipi, tu sifflotes, tu te retournes, tu... Elle était là. Elle est partie. En plus, autrichien, j'avais une voiture là. Ah, je suis coulé. Où est ma voiture? C'est furieux un petit autrichien. Hein, quand... quand c'est pas content, il y a déjà eu des preuves dans l'histoire. Hein, attention, hein, ça peut être très con. Hein. Donc je vous dis, si un jour vous voyez dans les toilettes d'une station-service un homme qui fait pipi et qui dit à son zizi, ma voiture, c'est lui. C'est lui, ce sera personne d'autre. Deuxième champion du monde, je l'adore, le meilleur rendez-vous du monde. Ça, c'est fantastique. Avant son rendez-vous d'une rencontre sur Tinder, une jeune femme a reçu un message de son interlocuteur qui lui dit de porter une robe noire. Alors sur le moment, elle a pensé que le jeune homme était romantique. Elle se dit oui, pourquoi pas, elle prend une robe de soirée noire et elle discute avec lui sur le trajet et il lui indique l'adresse et elle voit marqué crématorium. Vous l'avez compris, le gars, il a invité son rendez-vous Tinder aux funérailles de mamie. Il a expliqué qu'il avait vraiment besoin que quelqu'un lui tienne la main pendant ce moment. Il l'avait jamais vu. Hein. Bon, après la cérémonie, elle est rentrée directement chez elle, il n'y a pas eu de nouvelles. C'est sûr. Mais vous imaginez, t'imagines un peu, la copine de la fille lui dit « Alors, il était comment ton rendez-vous Tinder ?» Oh, ça a duré une heure, thermostat 8. Et maintenant, c'est mort. Le champion du monde toute catégorie, il est belge. On fait un gros bisou, hein. Dimanche soir vers 22h, il y a une dame qui reçoit un texto lui disant de payer 500 euros si elle veut revoir son fils en vie. Les policiers sentent le coup fourré et ils foncent chez le fils. Évidemment, le fils, il est là tranquille. Et il avait imaginé un faux enlèvement pour escroquer 500 euros à sa mère pour acheter de l'alcool et de la drogue. Ça se fait pas, hein. Mais 500 euros pour un fils aussi con, mais moi je le paierai pas, bah gardez-le, hein. C'est Koé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Appelle, tu crois que je vais la fesser? Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai. fraîche, moins rien. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. To look down at you. Things gonna be. Sur Energy, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Je peux pas vous servir le petit déj au lit, ce sera avec plaisir, mais je peux passer la playlist Energy, ça c'est cool aussi. David Guetta, Bibi Rexha, on se fait Maroon 5, Cardi B, Dinero, il y aura aussi Banks & Ranks dans la playlist Energy. Et là on se fait le meilleur de Mickaël sur Energy, c'est tous les soirs dès 23h en direct. Écoutez ce qui se passe dans l'émission, c'était sur Energy ça. Eric de Monfion. Ouais. Ça va Eric? Alors combien, t'as compté le nombre de mètres? Ça va ou quoi? Combien de mètres de bite? Non. Mon fion. Eh, vous êtes vulgaire, oh là là. Non, mais ça, c'est Toff et Polo, comme d'habitude. Tout, on est vulgaire. Moi, je peux plus compter. Hein. Tu peux plus compter? Ah, bah oui, j'imagine, il y a trop. Bon, alors, ouais, qu'est-ce qui t'amène, Eric? Bah, je cherche un mari, hein, le pire. Oh, encore? Oui, il cherche un mari maintenant, il a dit. Ah, mais il veut se poser, hein, il veut se poser. Ah, très bien. Ouais, bah, ouais. Je vais poser une vraie queue pour moi, quoi. Oh. Ouais. Combien de mètres, Eric? Ah ben le nombre de mètres qu'il veut me mettre, il n'y a aucun souci. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, donc ok, ouais. Alors Eric de Monfion qui... Ah ben je sais pas, elle veut pas répondre. Comment? J'ai pas entendu, pardon. Combien t'as pris de mètres, toi, Mina? J'ai rien pris du tout, Eric, c'est-à-dire... Ah bon mais beaucoup moins que toi, en tout cas, mon chat, t'inquiète pas. Ah oui, ça y est, pas de doute. Je ne te crois pas. Je ne crois pas, pardon Eric, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Coquine, va aller. En général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Non mais Eric de Monfion, enfin je sais que tu as une libido exacerbée, mais enfin bon, pourquoi tu t'attaques à moi là d'un coup là? Il s'attaque pas, c'est une question innocente, c'est juste Une coquine. Question, c'est tout. Bah oui, écoute, après, voilà, non, c'est c'était. C'est une question, c'est tout. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation quand tu me traites de coquine. Pardon. Oh là là. Moi, je ne juge pas ton comportement débridé. Bon. Donc, du coup, Eric est à Menton, hein, dans le sud. Si jamais vous êtes un. Disponible, ouvert. Totalement disponible et ouvert, hein, c'est le cas de le dire. Ah, bah là. Demain, je suis à Menton en ville, en plus. Ah, bah alors, en ville. Tu vas y aller comment, Eric? Raconte comment tu vas y aller en ville. Ah, bah j'ai un bus spécial, je suis abonné avec un bus. Non, mais pas non, mais habillé comment? Tu veux t'habiller en salope ou pas? Demain j'aurai une petite culotte sympa. Tranquille. Comme d'habitude. Tu mets tes grands slips? Est-ce que t'as toujours tes grands slips en caoutchouc? Non, j'en ai jamais eu. T'as du très bien, je crois. Ah d'accord, ok. Non, je cherchais à une époque une tenue en cuir, mais j'en ai pas trouvé. Ah bah oui, ouais. C'est vrai. Ah ouais. Bon, ah bah là, écoute. J'ai pas de bas, je les ai filés, mais je vais en racheter. Ah bah nous voilà rassurés. Bah nous voilà rassurés. Donc tu vas en mode sexy demain à Menton, si vous voyez Eric, c'est lui quoi. Ouais demain. Tu vas en mode grosse cochonne. Très bien. En mode cochonne. Eh ben écoute, magnifique. Bon, et ben. Pendant ce temps-là, il y a des pays en guerre et tout. Ouais, ah bah tu sais, après. Quel est le lien entre les pays? Parce que je suis dépassé par. Quel est le lien entre les pays en guerre et Eric de Montfiou qui est une salope? C'est quoi le rapport? C'est ça, aucun. Il a droit de se faire péter l'anus. Bon, Eric, on te tient au courant si on trouve quelqu'un, d'accord? Une bonne petite caquette dans le cul, là, tu verras que les guerres résolvent facilement. Eric, je vais respecter ton grand âge et tes quelques troubles, alors je ne dirai rien. Je t'embrasse, Eric. Au revoir. Quelques troubles. Bon, salut, Eric. Allez, bisous, petit lapin. Allez, bisous, Eric. À bientôt. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name. If you love me, let me hear you.

you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Allez, mercredi matin sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien ce matin. Alors oui, c'est vrai que là, cette heure-ci à la radio, en ce moment, c'est un petit peu calme. Ce sera beaucoup moins calme tout à l'heure pour le showcase Énergie de Soprano. Ce sera dans l'émission de Coé, là, sur Énergie tout à l'heure. Petit concert privé, là, pour vous, les auditeurs d'Énergie. Ce sera dans le hall de la radio, si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes en région parisienne, c'est 22 rue Boileau. Voilà, soyez là en fin d'après-midi. Soprano ce soir chez Coé sur Énergie. Là, on se fait le meilleur de l'émission. Et derrière, on écoute Amir dans la playlist Énergie. Bon réveil. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Imaginez, je suis une personne âgée, oui. Et je veux, moi aussi, revendiquer mon gilet jaune. J'ai décidé de changer, de lancer le mouvement de la casquette marron. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, ouais. La gapette, comme disent les vieux. Oui. C'est la gapette marron. Ouais. Où est-ce qu'il y a le plus de vieux? Dans les clubs de... Vieux. Mais non, pas les clubs de pétanque. Vous faites zéro effort. Ah, les boules, la pétanque. Merci. Le club de boules, c'est-à-dire. Mais c'est pas dans les clubs de... Allô? Oui, allô. Oui, bonjour, c'est le club de boules. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, je suis retraité. J'ai créé le mouvement des gapettes marron. C'est le mouvement plus âgé que les gilets jaunes. Et vous m'entendez? Oui. Voilà. Et on recrute dans les maisons de retraite, les clubs de boules, là où il y a des personnes d'un certain âge pour venir avec nous manifester. Ah oui, oui. Parce que c'est alors... important, on ne peut pas se laisser faire, tu vois. Oui. Donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Ah, mais écoutez, il faut venir au club. Quel âge vous avez? Moi? Oui. 81. Eh ben alors, vous pouvez nous rejoindre, 81.

Salut tout le monde, je fais couler le café, puis bah j'arrive là, hein, c'est parti. C'est Cédric sur Energy, bonjour tout le monde. Energy 5h. On écoute Kenji, The Prince Karma dans la playlist Energy. Et avant de le retrouver en direct en pleine forme avec toute l'équipe des 6h, voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Before we get out of here, can you

quelqu'un, mais c'est pas si tôt que non, c'est un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde. C'est cool hein, d'attaquer la journée avec nous sur Énergie. Continuez hein, toute la journée. Tout à l'heure, 17h Coé sur Énergie. Il y aura Soprano dans l'émission. Petit concert pour vous aussi dans les studios d'Énergie. Ce sera 22 rue Boileau voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Soprano, on va l'écouter tout à l'heure sur Énergie. D'ici là, on se fait plaisir avec Maître Gims, Shawn Mendes. Et avant de le retrouver en direct dès 6h sur Énergie, voici le meilleur de Manu dans 6-9. Bon réveil. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, cet homme nous l'avons. Cet ouais. homme s'appelle Glandu. Mmh. Et tous les matins, il tente de nous convaincre que ses réponses sont intéressantes. Ouais, c'est ça, grosso modo. Ouais. Mais de temps en temps, il y a des trucs impressionnants. Ça arrive une fois sur 10. Ah, toi-même, t'es pas convaincu, okay. Non, bah. Si, moi, je suis convaincu qu'elles sont intéressantes. Après, je vois vos réactions. Hein. Ouais. Oh. On y va ? Je suis pas complètement cruche. Oh. On y va. Allez. Une première info qui vous concerne peut-être, les céphalées coïtales sont des maux de tête très violents qui peuvent survenir pendant ou après l'orgasme. Je sais pas si vous avez déjà arrivé. Bah, pendant, c'est assez court, hein, du coup. Hein, c'est Pendant, et non, et après, ça reste. Ça touche une personne sur 100, davantage les hommes que les femmes. Et c'est vraiment des maux de tête ultra violents comme ça qui te touchent. Wow. C'est marrant, hein, les filles, la migraine, elles l'ont avant, nous, on l'a après. Ouais. Vraiment, c'est compliqué le monde. Hein. Ouais, c'est on pourrait ça. Les avoir en même temps. Eh hein. Ben non. Alors, moi, j'ai jamais eu de migraine. Il y a deux pics de fréquence, c'est la vingtaine et la quarantaine en termes d'âge. Ah, ouais. Et après, ça dure pendant 3 ans. T'as tout ça pendant 3 ans. 3 ans bah, le mot de tête de pas 3 ans, mais ça arrive à chaque fois quasiment. Oh. Alors ça, c'est compliqué. Ouais, c'est pas rigolo quoi. Non, effectivement. Autre chose. Oui, au 19e siècle en France, il y avait un décalage horaire entre Strasbourg et Brest. Ah. Il n'était pas la même heure. En fait, on se basait sur l'heure solaire pour définir l'heure d'une ville. Mmh. Et quand il était midi à Strasbourg, il était 11h10 à Brest. Donc, donc en soi ça posait pas trop de problème sauf au moment de l'arrivée des trains. Parce qu'au moment de l'arrivée des trains, du coup, c'était un énorme bordel pour définir à quelle heure ton train partait, à quelle heure il arrivait. Les gens se plantaient, savaient pas à quelle heure. Et bah non, coup, parce que nous, quand on prend par exemple l'avion avec un décalage horaire. Ouais. Ou même un train avec un décalage horaire, tu t'en fous, c'est l'heure locale. Mais qui compte. T'es à l'heure du pays. Ouais, mais là c'était. Bah alors t'es l'heure de la ville, ça revient au même. Et bah, ils y arrivaient pas. Ils ont harmonisé tout ça en 1891. Ils se sont réunis et ils ont mis toutes les villes à la même heure. Hein ah. C'est surtout un problème pour l'apéro, quoi. C'est qu'ils prenaient pas l'apéro à la même heure. Oui, mais en même temps, comme ils mettaient 8 jours à aller de Brest à Strasbourg à l'époque, puisque globalement ils y allaient à Dodane, franchement, l'apéro que l'un commençait à Strasbourg, il avait largement le temps de le finir. Ou alors c'est un gros poivron. Ouais. Donc finalement, c'était pas un problème du tout quoi. Non, en fait, ce changement d'horaire. Okay. Non. Mais même le seul problème ici, là, c'est l'info de Glandu. Oh, c'est bien ça. T'inquiète pas, on va continuer, on va finir par une info que tu vas peut-être regretter. En 1997. J'ai surtout pas choisi. Justement, mais en plus, le neuroscientifique David Sulzer. En quelle année, pardon ? En 97, mais c'est pas très important. Ah, pardon. Il a créé la chanson la plus insupportable du monde. Elle dure 22 minutes, c'est un neuroscientifique, hein. Donc il a mené des études, vraiment. Mais pourquoi il s'est dit, je vais créer la chanson la plus insupportable? Alors je crois que c'était une commande qu'on lui a faite, et du coup on lui a demandé de la créer, et du coup il a décidé de le faire. Voilà. Mais je sais plus qui lui a commandé ça. Ok. Mais elle dure 22 minutes, elle mêle des passages de cornemuse, d'enfants qui chantent des chants de colonie, des jingles publicitaires, de l'accordéon, une boîte à rythme, une cornemuse et une chanteuse d'opéra soprano qui rappe. Waouh, okay. Quelle... Tout ça mélangé en 22 minutes. Alors écoute le premier extrait déjà. C'est censé être la chanson la plus insupportable du monde. Ouais, ça c'est pour premier. C'est quoi? T'as l'impression que c'est des gens bourrés. Ouais. C'est vrai que ça, écoute, c'est un peu fatigué. Hein. Ça va encore. Écoute, ça, on monte en puissance avec le deuxième. Oulala. C'est dans le même morceau? Ouais, il dure 22 minutes, donc t'as le temps de... Ah ça c'est strident, c'est insupportable. Ah, ça fait ouais, c'est ah ouais, t'as l'impression que c'est un mec qui joue avec des craies sur un tableau. C'est un peu ça, et écoute le troisième, il est pas mal. Oula. Ouais. Bienvenue. Jazz and You. L'émission d'improvisation de jazz d'Énergie. On dirait des musiciens qui tombent dans les escaliers, en fait, qui n'arrêtent pas de tomber. En fait, on dirait pas de la musique, on dirait des bruitages de films en noir et blanc. Ouais. Ouais. Mais si vous voulez vous faire l'intégrale, on va la mettre sur la page Facebook du coup. Oh, ne t'emmerde pas. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre.

feel like giving up, but I just can't. Sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. Énergie, météo. Avec pour ce mercredi matin du soleil sur un quart sud du pays, au nord ce sera toujours des averses, notamment dans les Hauts-de-France et sur la Haute-Normandie. Sinon c'est du gris, 5 degrés jusqu'à 13 ce matin pour les températures. Cet après-midi du soleil sur la côte basque et sur les côtes de la Méditerranée, ailleurs ça reste gris, parfois quelques averses. Les températures 10 à Strasbourg, Nancy, Lille et Dijon. Il y aura 13 à Reims, Paris, Caen, Brest, Nantes, Limoges et Lyon. 15 degrés à Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice. Une belle journée avec nous sur Énergie. Le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, c'est dès 6h comme chaque matin. D'ici là, Enrique Iglesias, c'est Ava Max. Nouveauté là dans la playlist Énergie pour vous écouter. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Cédric sur Énergie, bon réveil tout le monde, on est mercredi aujourd'hui le 5 décembre et ce matin, oui pourquoi pas Manu dans 6-9 sur Énergie pourrait passer la playlist Suprême Énergie, c'est-à-dire Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack et 3 cafés gourmands. Si ça passe à la suite, vous appelez Énergie 3937, Énergie vous offre la somme dingue de 50 000 euros. Voilà, moi je vous dirais de rester à l'écoute la Manu dans 6-9 sur Énergie en direct dès 6h. D'ici là c'est Claudio Capéo, écoutez pour vous ce matin et le meilleur de l'émission, meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Soyez Noël. Vous nous racontez les choses que vous avez vécues, vous nous racontez les histoires que vous avez vécues qui vous marqueront à vie, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Oui. On a Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Salut Manu, salut les Wawin. Salut. Bienvenue sur Énergie Carole, on écoute ton histoire.

Bienvenue sur Énergie, il est 5h55. Nous sommes aujourd'hui mercredi. J'aime le mercredi. Ah. Oui. J'aime le mercredi, il est bien le mercredi. On est au milieu de la semaine. On a passé. Franchement, on est des survivants du lundi, on est des survivants du mardi. C'est vrai. Lui n'est pas survivant. Aujourd'hui, on a un anniversaire un peu spécial. En fait, il y a un an de sa mort. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant tellement ça s'est fait assez discrètement. On en a peu parlé. Ça fait un an que Johnny Hallyday est mort. Mais oui, ça passe vite. Mais alors, cela dit, sans vanne, c'est vrai que ça passe ultra vite. Ouais, c'est impressionnant. À chaque fois, quand tu dis ça fait un an, boum. Si ça se trouve, c'est qu'une rumeur. Hein. Non, non. Commence pas, Manu. C'est vrai. Et peut-être avec Michael Jackson et Lady Di quelque part sur une île déserte. Ah oui. Ah bah tu tapes internet rumeur. Si on suit tous les complotistes, personne n'est mort jamais. Ouais. Jamais. Je veux dire, il y a tellement de sosies de Johnny Hallyday en plus. Ça c'est le problème. Alors, on voit partout. Non, le vrai problème c'est est-ce qu'il méritait ça? Est-ce qu'il méritait tous ces sosies? Je sais pas. Bon. Je me dis dans le club du 555 qu'on peut s'écouter un Johnny Hallyday. Ah ouais. Ah ouais c'est aujourd'hui. Ouais, le truc c'est lequel? Ah ben oui. Non, quel titre voilà. Si là on vous dit vous choisissez un titre de Johnny Hallyday. Non mais on met lequel vraiment? Paulette. Allumer le feu. Allumer le feu c'est pas mal. Ouais. Allumer le feu pourquoi pas. Glandu. Moi quelque chose de Tennessee. Je l'écoutais dans la voiture, il y avait une cassette comme ça karaoké, je le chantais avec mes parents. Ouais, par respect pour lui donc c'est raté. Nico. Non, moi je retourne au fondamentaux du rock. Moi c'est toute la musique que j'aime. Mais bon, je suis pas sûr que. Peut-être un. Je sais pas, ça va. Au bout de 3 minutes. Ah ouais? Ouais. Moi, je rejoins Glandu, hein, quelque chose de Tennessee. Elle me fait pleurer, cette chanson. Ah, j'adore. Alors, rien que pour ça. Ah, merci Manu. C'est gentil. Quelque chose. C'est gentil. De Tennessee. Ouais, je suis gentil. Ah ouais, c'est classe. Eh ben, allez. Tu veux me faire pleurer? Ah ouais, non. Tu changes du coup. C'est délicat. T'avais dit quoi, Paulette, toi? Allumer le feu. Ouais, c'est pas mal, ouais. Oh, une belle, une douce, sinon. Hein? Une douce, le matin. Oh, vous m'emmerdez, hein. Mais allumez le feu, ça va se finir avec un bon David Guetta. Il est trop mignon. Eh ben, tu sais quoi, ouais. Oh, on va se mettre un bon Guetta. Oh, l'hommage. Parce que franchement, vous savez pas vous mettre... Vous savez quoi? C'est le bordel, on a l'impression que c'est les gilets jaunes. Merde, je veux un porte-parole. Un porte-parole de ce qu'on met pour Johnny. C'est quand même pas compliqué, Nico. J'ai le droit à une deuxième chance? Oui. Je te promets. C'est quand même aussi un grand classique. Oh, elle est trop belle, celle-là. Désolé, mais c'est un grand classique. Ah ouais, ok, ouais, ouais. Je te promets. Okay. Ouais, t'as raison, Nico. C'est ça, moi on parle aussi, je te promets, Manu. Ouais, c'est super. Non, mais toi, tu suis tout le monde, toi. Ouais. Mais en fait, elles sont quand même vachement belles, ces chansons. Ça marche. Donc, Johnny Hallyday, je te promets. Ouais. En même temps douce, en même temps ouais, pas. Ouais, enfin, ouais. Ça marche. Allez, sûr. Allez. C'est pour vous, 5h57. Tiens, on y est arrivé. Oh là là. Honnêtement, à un moment, j'ai vraiment failli envoyer David Guetta. Allez, c'est parti, je te promets, Johnny Hallyday. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente.